finish it back in your head. Se finish it back in your head. Ils vont encore me parler, là, me dire que je n'ai pas fait les bons choix, et que j'essaie de me faire douter, là. Mais j'ai déjà signé le contrat, là. Non, je suis pas loco, j'ai juste trouvé ma wife. Sentiment mon corps, give me a life. Ils ont la voix coffre, je te jure, moi je n'ai rien fait. J'ai assez profité, les femmes, moi je les connais. C'est fini, tu vas plus pleurer. Plus jamais je ne te laisserai seul. Sur nos deux, je me concentrerai. Dans ma vie d'avant, j'ai fait le deuil. Oh non, c'est fini, tu vas plus pleurer. Plus jamais je ne te laisserai seul. Sur nos deux, je me concentrerai. De ma vie d'avant, j'ai fait le deuil. Oh, fait le deuil. Oh. Jamais je ne te laisserai seul. Sur nos deux, je me concentrerai. Dans ma vie d'avant, j'ai fait le deuil. Oh non, c'est fini, tu vas plus pleurer. Plus jamais je te laisserai seul. Sur nos deux, je me concentrerai. Dans ma vie d'avant, j'ai fait le deuil. On fait le deuil. Oh non, non, non. Tu sais que ça coûte ma mère. Avec toi, moi, je dois continuer. Oh non, non, non. Je n'ai qu'un message, mon amour, ta présence dans ma tête. Pourquoi trop parler? Pourquoi trop parler? Je t'aime, tu sais déjà. Je me sens condamné. Je me sens condamné. Non, non, non. C'est fini, tu ne vas plus pleurer. Plus jamais je ne te laisserai seul. Sur nous deux, je veux me concentrer. De ma vie d'avant, je fais le deuil. C'est fini, tu ne vas plus pleurer. C'est toi ma femme, ma seule amie. Oui, j'ai fait mon choix. Non. Sur nos deux, je me concentrerai. De ma vie d'avant, j'ai fait le deuil.